nous étions là. Le 7 juillet 2018. Sans savoir que j'allais assister à quelque chose qui allait me marquer toute ma vie. Tout ça a commencé une année avant. Tout allait bien. Gaétan aussi. On nous faisait croire que la vie valait la peine d'être vécue. Notre poisson rouge allait bien. Notre couple un peu plus dramatique, quoi. On sentait la tension. Alors, pour se divertir, pour me divertir, parce qu'elle, ben, c'est la peinture. Elle préfère le côté solitaire de l'acte créatif. J'étais sur les ondes cybernétiques. Les ondes, on peut-tu appeler ça des ondes, madame? Non, hein, c'est un circuit. Nous étions sur le circuit cybernétique. Nous regardions tranquillement ce qui se passait. Jusqu'au moment où... J'arrive sur un nom d'artiste, de créateur, de musicien, de compositeur. En fait, deux pages s'ouvrit instantanément. Monsieur le juge, c'est vrai qu'en parlant, c'est de l'amateurisme, parce que c'est certain que en enlevant ça de là, on peut plus entendre les vilaines vibrations. Préférez-vous, parce que je dois me tourner, moi, là, pour mon écran, parce que les informations vont s'afficher. Comme moi, je suis fiché depuis le 7 juillet 2018. On va rapprocher parce qu'on va mettre de l'intrigue. On va mettre de l'intrigue. Je sais que ça fait des crunch, crunch, crunch, mais faut en mettre. Un an avant, Internet, deux pages. On est rendu là. Deux pages qui s'ouvrent. Deux artistes, deux auteurs, deux compositeurs, deux interprètes, un anglais et l'autre français. Quelque temps avant de me rendre à Paris, je regarde qui est à l'affiche au prestigieux théâtre L'Olympia. Et je vois... Steven Wilson. Qui est Steven Wilson? Pour les gens, les amateurs de progressif dont je ne fais pas partie. Steven Wilson est un être exceptionnel. Sans que je le sache. Je ne savais pas. On me l'avait pas dit. On nous cache des choses parce qu'on veut nous... vous inviter à rester abruti jusqu'à la fin de nos jours. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ça se manipule plus facilement. C'est comme une boule de... Ou une boule? Qu'est-ce que vous avez contre les boules, vous, Mme Tremblay? Mais... une boule de glaise. Mieux vaut la tâter avant qu'elle durcisse. Si, madame, que c'est plus malléable après, hein? T'es plus capable de rien faire avec ça. C'est un peu comme lorsque tu te maries, il y a avant puis après. Avant, on est tout. On est à l'écoute, attentif. On se dit, ah, ben là, on n'a pas encore signé. On va rester sage. Notre quartier, notre côté sombre n'apparaîtra pas avant l'instant J. Le jour J. Le jour J! C'est pas l'instant J, madame, c'est le jour J. Jour J, jour J, jour J, jour J, jour J, jour J, jour J. Alors donc, après, t'as signé, arrange-toi, t'es coincé, t'es pris. Regarde, je vais te remettre ça sur le nez continuellement. Je l'ai tatoué. Ouais, notre certificat de mariage, je l'ai tatoué sur ma bedaine. En vieillissant, t'en vois de moins en moins. Pas ma bedaine, mais le certificat. Il y a de la graisse qui entoure tout ça et qui cache ce qu'allait devenir notre arrêt amoureux. Pour ça, il y a de la musique, pour nous distraire, pour nous, au moins, nous faire prendre conscience qu'il y a autre chose de peut-être plus intéressant. Et c'est là qu'il décroche son micro, puisqu'il se tourne, comme on fait de la radio, et c'est de la radio visuelle. Vous savez tout ce qui se passe à la seconde près. Il faut uniquement rester près de son poste. Alors, poste de radio. OK. Et puis, donc, M. Wilson... Steven Wilson, là, vous avez... je vais peut-être radoter pour les élitistes, là, mais pour les autres, dont je faisais... J'étais ces autres-là, moi. Pas les autres à chaud, là, mais à eux, les autres, à eux, pas à chaud. À chaud, moi, j'étais pas un autre, moi, là. J'étais moi-même, mais je me cherchais un peu comme aujourd'hui. Alors, Steven Wilson, madame, mademoiselle, messieurs, ne vous en faites pas, vous allez en savoir davantage, et c'est là que ça se passe. Il est né le 3 novembre 67. Un lien avec moi, parce que moi aussi, je suis né en 67. Puis quand on nous regarde, Steven Wilson et moi, on n'a pas l'air de ça. On n'a pas l'air d'avoir vieilli. Pourquoi? Parce que, il y a encore une autre chose qui nous relie. Pourquoi vous croyez qu'il y a des gens qui vieillissent et d'autres qui vieillissent pas ou qui vieillissent moins vite, moins rapidement? C'est la passion. Si t'as plus de passion, ça commence à plisser. Tu commences à vieillir. T'avoues, je viens voir Dieu, je sais plus quoi dire et tu te rends compte que t'as 45 ans puis tu parles comme un petit retraité de 156 ans. Ah, ben c'était bien mieux avant, hein? Ah, avant, il y avait trois postes de radio. Il y avait CKRL, CKRL, puis il m'en manque un, là. Attendez, CKRL, CKRL, puis l'autre, là, je commençais à avoir le mal-mal-mer, moi. Si j'ai le mal-mal-mer, je vais mal-mal-mal-mer, moi-même, oui. Personne qui va m'endurer dans mon délire mal-mal-mer. J'ai vécu ça, moi, deux fois dans ma vie. Le mal-mal-mer et moi, c'est fini! Alors, les deux points en commun, c'est que Steven Wilson, dit Steven John Wilson, est né le 3 novembre. Moi, le 3 novembre, ça me dit rien. 3 novembre, c'est un jour comme les autres. Je me réveille en beau fusil, je me couche en beau fusil, puis en ça, ben, j'essaye d'amoindrir mon énergie pour devenir un peu comme tout le monde, comme toi, puis comme elle, puis comme lui, puis comme le petit... Oh, avez-vous vu le raton laveur? Il est beau, hein? Là, on m'a tapé sur l'épaule en me disant « C'est pas un raton laveur, c'est un voleur. » Oh, mon Dieu, il y a des voleurs ici, il y a des voleurs partout, il y a des voleurs chez nous, ils vont voler mes affaires, mes biens, mon... Est-ce qu'on peut, question peut-être d'examen à la fin de l'année, est-ce qu'on peut voler l'intelligence du genre humain. Bon, les rigolos vont dire on peut pas voler ce qu'il n'y a pas. Hey, bonne! On peut pas voler ce qu'il n'y a pas. On n'est pas intelligent. Mais on développe pas grand-chose. Hein? C'est quoi en pourcentage? 5-6%? 4%? On est rendu à quoi? 6%? Pas beaucoup, hein? 100% est loin, là, hein? Faut que tu fasses du rattrapage pendant... Il faudrait vivre sans doute jusqu'à 3000 ans pour se rendre à 100% de notre capacité intellectuelle. Et dans mon cas... C'est l'incapacité intellectuelle. Ce qui me fait vivre, ce qui m'a mis au monde et ce qui va me faire mourir, c'est mon incapacité intellectuelle. Ça fait des bonnes émissions, hein? Mais, Steven Wilson, 3 juin, 3 novembre, non, moi c'est le 2 juin, c'est pas ça. Mais encore là, le 3, tu sais, moyen, 2 novembre, ben moi c'est juin. Bon. Si tu veux qu'on te fasse du parallélisme, on va t'en trouver des liens, là. Pas compliqué, là. Je suis aussi, moi, tout ce que tu veux, je l'ai. Schizophrène, paranoïaque, intellectuel, homme de la rue. Et puis, d'autres choses, là. Mais là, je parlerai pas sans mon avocat. Elle m'a appelé avant de faire l'émission. Elle dit, hey, tu te parles. Parce qu'on est très, très amis. Elle me dit, puis bonjour, monsieur. Elle me dit, hey, quand ça commence à dire, hey, ça te coûte moins cher, là. C'est vrai. Quand tu dis bonjour monsieur, je vous appelle concernant votre dossier. Oh là là, tu dis oh bonjour, je vais déplier, je vais travailler. Mais quand tu réponds, tu dis hey toi là, tu te rends compte là que quelque chose d'amical, hein? Il y a des frontières qui ont été retirées. Pour se rendre plus facilement sur la même longueur d'onde. Tu réponds plus facilement. Tu dis, bien écoute, viens prendre un verre de lait. Je viens de traire ma vache. Je veux savoir si c'est bon. Hein? Je ne mettrai pas ça dans le réfrigérateur. Je ne le ferai pas réfrigérer. C'est mieux quand ça sort de la pie. Quand tu viendras, moi, t'impressionner. Tu mets ton verre en dessous, m'en va te faire un beau. M'en va rester là, mais m'en va te faire un beau grand verre de lait crémeux. Là. Tu vas boire ça, tu vas dire hey, vive la vache! Tu vas vouloir t'adopter une vache, t'en acheter une sur eBay. Puis après ça, ça va être 2-3 vaches parce que là, tu vas vouloir du 3,25. Pour tes enfants, les os, c'est important. Après ça, 2%, parce que, tu sais, les adolescents, ils veulent pas trop engraisser, puis bon. Puis après, 1%. C'est presque pour toi. Puis plus tu vas vieillir, plus tu vas tomber dans l'écrémé. Pas dans l'être aimé, dans l'écrémé. L'être aimé, c'est fini depuis longtemps, là. T'aimes plus rien, t'es vieux. T'as plus d'ouverture, t'as 150 ans, tu comptes plus tes dents, c'est zéro. Moi, quand j'avais 87, j'étais heureux. J'étais jeune pimpant. Je me regardais dans le miroir. Je dis, hey, toi, tu ressembles à Johnny. T'es Johnny Bega. Puis là, tu te rendais compte en te regardant dans le miroir que plus tu disais que t'étais Johnny Bega, plus t'étais Johnny Bega. Ça, c'est Bega d'ancien, s'il vous plaît. John Wayne, Steven Wilson. Neil Tau, merci, arrête les bulles. Non, c'est pas le champagne, monsieur, c'est parce que mon écran de veille, quand c'est calme pendant 5 minutes, on m'envoie des bulles. Des belles bulles, ça se cogne partout dans l'écran. Point, point, point. Je mets mon verre en dessous, si c'est du champagne, ça va tomber, là. J'ai jamais vu une maudite goutte de champagne. C'est encore un complot de Bimbos! Bimbos, l'éléphant volant! Ça, c'est les réseaux Internet, Bimbos, là. Êtes-vous sur Bimbos ou Papple, vous? Vous papelez? Ouais, mais appelez-moi plus si vous papelez, parce que moi, les papeleux, là, on n'a pas de virus. C'est plus vrai! On vous en a trouvé des virus! Il y a des cinglés qui se disent, hey, ces gens-là, on va les décrocher! Ils vont devenir un Bimbos, l'éléphant volant. Là, c'est rendu Bimbos 10, puis j'ai bien peur d'avoir le prochain Bimbos. Moi, Vous me connaissez, madame? J'ai resté accroché, moi, là. Vous le savez, hein? Je suis resté accroché à Windows 7. Ouais. Après ça, j'ai pu compter. Fait que je me suis dit, on va aller selon mes limites. Et Steven Wilson, né le 3 novembre 67, ça c'est pas important, là, au Royaume-Uni, est un multi-instrumentiste, chanteur, compositeur britannique. C'est pas de sa faute si c'est un britannique, là. Tu sais, moi au moins, je suis québécois. Je suis content d'être québécois, moi, là, là. C'est moi qui me promène avec mon drapeau, mon petit drapeau, que je brandis avec mon petit poignet. Je chante rien, je dis rien, mais je brandis. Le soir, je lâche le petit drapeau, puis je continue à brandir. C'est pour ça que je suis rendu sourd, madame, hein, monsieur. Ça fait que Britannique général, j'ai rencontré... À l'Olympia, j'ai regardé sur le site Internet, il se présentait, lui, le 7 juillet 2018. Pas plus fou qu'un autre, m'a acheté un billet. Et c'est comme ça que l'histoire... a presque commencé. Je vous propose... Hey, avant de proposer, on va, hein? Bon, aujourd'hui, le lundi. Attention, le lundi. Attention, on va vous le dire, le lundi. Hey, est-ce qu'on peut leur dire autrement, madame? Oui? Oui, mais arrêtez-les ici. Mettez ça comme ça. Parfait. Bon, je suis pas trop excité. Je veux juste pas me tromper. OK, on y va. C'est beau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? Le lundi 4 novembre 2019, monte le volume et hume la différence. Excuse-moi, on arrête, Raymond. Bon, je sais que vous vous êtes levé le 4, il y a déjà quelques jours, et vous vous dites, nous ne sommes pas le 4. Ben là, on vient de faire une transition. Il y a quelques minutes, on était le 3. Mais là, arrêtez de me faire des grands signes. Nous sommes le 4. Aujourd'hui, le 4 novembre 2019, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti. C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Good evening and welcome to tonight's concert. The musicians will shortly be arriving on stage. But before they do, we would ask you to view the following short film, designed to gauge what kind of response you may have to the performance. So please, sit back, relax, and absorb. Thank you, and enjoy the show. On était là. C'était formidable. Il y avait des écrans. Des écrans. Mais un écran géant avec une toile. Pas une toile, une toile. Puis quand t'enlevais la toile, il n'y avait plus d'image. Et quand tu remettais la toile, il y avait de l'image. Je disais, on est rendu dans un siècle formidable. Je restais là tout le temps, moi, là. Greffé le 7 juillet 2018. Je m'en vais voir un show de progressif, puis j'aime pas vraiment le progressif. C'est-tu assez ouvert d'esprit, ça, là? J'ai payé mon billet, si tu comptes en argent québécois, 82$ pour un individu qui était pour moi inconnu, et je l'ai retracé avant de me rendre à l'Olympia de Paris sur un album qui venait de sortir qui s'appelle encore Bone ou The Bone. Non, je pense que c'est Bone. Bone. Un disque extraordinaire qui m'a donné le goût de participer à cette aventure scénique, extraordinaire. J'étais fébrile. Je voyais s'en venir le chef-d'œuvre. Chance, but we live and learn. Dit que c'était un choc, c'était formidable, un spectacle que je me souviens encore. Donc, je vous parlais des deux pages. Est-ce que tu t'en rappelles plus des deux pages, madame? Voyons donc. Deux ont explosé devant mes yeux parce que c'était sur un écran cathodique. pas catholique. Les écrans sont jamais catholiques. Ils ont pas été bénis, voyons. Il y a des images qui te sortent de là. T'en as peur. Un homme de 32 ans qui va semer son blé se fait assassiner par Rita Biblo. Fanatique de ce genre de personnage-là. Elle qui correspondait à travailler avec nous, vous en rappelez au temps de la guignole et de la dentelle, on se foutait dedans de pathétique. Aujourd'hui, elle est rendue très nostalgique. Elle mangeait de la canne avant elle, là. De la soupe en canne, des pois verts en canne, tout était en canne, des carottes, des patates. Rien de... Ben, vous allez me dire que ça sort du jardin, mais... Rien de frais, tout en canne. Aujourd'hui, elle est en canne. Ouais, elle sort au ventre deux cannes. Ben, voyons, elle se sent bien. Parce que lorsqu'elle est partie... pour se faire juger... comme elle trouvait que c'était long... et quand même un peu pénible... elle a demandé de retourner à la maison. Pas à la maison où elle habitait, mais à la maison où elle était enfermée depuis presque un an et demi, c'est-à-dire la prison. Elle se sentait plus confortable là que à son domicile. Elle se faisait battre. Elle se faisait battre par son chat. Elle se faisait insulter par son poisson rouge. Puis quand elle passait devant le miroir lui disait qu'elle était grosse. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? T'as pas le temps. Comme le disent les pauvres usurlu-berlus, les moins que rien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on l'a incarcéré parce qu'elle a vu un monsieur sur sa terre. Comme au ciel, mais c'était sur sa terre. Il se préparait, lui. Parce qu'il avait compris le principe, hein? La terre comme au ciel. Il dit, on va commencer par la terre, puis ils vont m'envoyer au ciel. Parce qu'il a appris à l'excellente émission Errance Reynaldienne. À qui? Errance Reynaldienne. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Boum, boum, boum. Oh, oh, oh. Errance. Tout le monde frappe dans les mains. Errance. Elle n'a pas de main, c'est pas grave. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Errance. Je peux-tu mettre de l'écho? Ben, on va t'en mettre de l'écho. C'est pas de longueur. Errance. Errance. Errance. Errance. Petrouchka ne pleure pas, entre vite dans la ronde, fais danser tes nappes blondes, ton petit chat reviendra, il te reconnaît peut-être. Il te reconnaît. Qui? Il te reconnaîtra pas. Il te reconnaîtra peut-être. Si tu te places au bord de ta fenêtre, en chantant ce chant-là. Quand te chante la colombe par-dessus le toit, chante avant que la nuit tombe, gentil Petrouchka. Petrouchka, ne pleure pas. Regarde tourner l'hirondelle. Entends chanter le fiévreux. C'est moi le fiévreux. Mais ils ont jamais compris pourquoi j'étais fiévreux de même. Jamais compris. À la naissance, je bouillais. Hey, le liquide amniotique de ma maman, parce que moi mais je suis un des rares, je suis né de ma maman. Ma maman avait une bedaine, elle m'a expulsé. Elle dit, t'as assez, là, hein? J'ai mal au dos. Mal au cœur. Quand elle m'a vu, elle continue à avoir mal au cœur. Elle dit, c'est pas mon nom. bon, mon nom, j'étais tellement, j'étais, que je l'ai dit, j'étais laid. Au moins, il y a une chose, ça s'est pas amélioré avec les années. Hey, j'aurais pu faire une carrière à la télévision, moi. Je suis tellement moche que même la radio, elle trouve un coin. On appelle ça un créneau horaire. C'est beau, ce créneau horaire. Un créneau. Ah ouais, le crémeux, rentre dans le crémeau! Pas de sucre, pas de crème. Ben oui, avec une crème, mais pas de lait. Le lait, c'est toi, le crémeau, c'est le créneau. Rentre dans le créneau. Fait que, hey, t'essayes d'embarquer là-dedans. C'est pas facile, là. Il y a des uns plus larges et d'autres plus étroits. T'sais, par exemple, le samedi, à 16h, tu rentres là, tu es bien à l'aise. Là, dimanche, c'est petit, hein? C'est de rentrer là, non. Je suis pas capable de m'en louer. Là, t'appelles, madame? Ouais, j'ai le créneau horaire de minuit, mais j'ai la misère à rentrer. Oui. D'accord. Merci. Oui. Embarquez-moi dans le balado. Ben, c'est ça. C'est merveilleux. OK. Je vais laisser. Parfait. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes madame? Elle a raccroché. Elle veut pas se nommer. Elle a le droit d'être anonyme, elle-là. Pas besoin toujours de dire son nom. Et hey, quand t'arrives, tu passes, OK, malheureusement, t'es pris dans ton univers. Là, tu sors de l'hôpital, tu viens d'apprendre que ta meilleure amie a le cancer généralisé. Donc, tu sais, t'es plus toi-même. Là, tu te remémores, puis là, tu te souviens qu'il y a quelques minutes, elle te pleurait toute sa misère et tu sors avec ça, puis t'oublies de t'arrêter au feu de la circulation, t'es à pied, tu passes sur la route, il y a une voiture qui s'arrête, qui dit « Hey! Regarde où tu vas! » Là, tu veux pas y dire « Hey, écoutez, monsieur, je viens de l'hôpital, il est là, je viens de sortir, je suis content. » Non, non, non, hey, wow! La loi, c'est la loi. Tu dis, ah non, un gars de droite. Eh, monsieur, la loi, c'est la loi. Oui, mais essayez de comprendre. Ah, non, là, je sais pas de comprendre. On aurait pu faire un carambolage. Ah, là, je le regarde. Je dis, hey, monsieur, il est 5 heures du matin. Il y a une voiture qui passe aux 30 minutes. Le carambolage, là, ce serait plutôt vous, à la lumière rouge, vous endormez, la lumière vire de toutes les couleurs, mais vous dormez encore, la voiture vous rentre dedans, un autre rentre dedans, mais là, ça prend 30 minutes. Fait que là, dites pas que c'est à cause de le carambolage, ça fonctionne pas. Et là, je suis en beau Saint-Simonac d'Amérique du Nord britannique. Non, mais un gars peut se fâcher. Ça coûte cher de se fâcher des fois, mais il faut prendre sa place. Fait que là, écoutez, là, faites ni un ni deux, là, quittez ce chemin et je m'en irai de mon côté. Là, il a rien compris. Je vais m'en aller. Ça a l'air d'être un cinglé. Ça a l'air. Ça a l'air qu'il pourrait foncer sur moi. Même si moi, je suis en voiture, il va foncer sur moi. Parce que dans sa tête, il est en tank. En bulldozer. En tout cas, tu sais, les trucs à chenilles pendant la guerre, là, ben, des chenilles à guerre. Non, pas Arnold Schwarzenegger, là, les chenilles d'une voie d'un camion qui est là avec la mitraillette sur le dessus, là. Un peu comme la cerise sur le Sunday, là. Puis ce qu'elle veut, elle, là, c'est de mitrailler tout le monde. Il y a du monde, moi, je suis équipé, là. Puis le gars, à l'intérieur, hey, prend sa cigarette. Ah, qui joue. Ah, ouais, je suis prêt, moi, là. Puis, hey, qu'on me tire des balles, moi, c'est anti tout ça, moi, là. On peut me foncer dessus, m'envoyer des bombes, j'exploserai pas, tout le monde va crever, sauf moi à l'intérieur. C'est moi qui mène le monde. T'sais, il se prend pour un dieu, là. Mais là, c'est pas le gars que j'ai croisé en sortant, moi, là. En sortant de l'hôpital. Mais, ben oui. On continue, oui. OK. Parfait. What I'm going to do is from the Hand Cannot Raise album. This is Home. Invasion. Enthusiasm! Deuxième écran. Le deuxième écran de mon ordi quand je vous parlais des artistes. Celui qui s'est ouvert. C'est un auteur, compositeur, interprète exceptionnel. Toujours exceptionnel. Sinon, je m'intéresse pas aux gens qui n'ont pas de vie, moi, là. Je m'intéresse à ceux qui font évoluer la société comme Steven Wilson. Mais là, c'est un Français. Que j'ai essayé d'attraper à mon micro depuis 3 ans et que là, à ce moment-là, il m'a dit oui en 2019. J'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Donc, je contacte mon ami Marc. Marc Avet m'a dit, parce que c'est Marc Avet, l'auteur, compositeur, interprète, polémiste, poète, puis extravagant dans son discours autant que dans sa façon de voir la vie. Donc, Errance Renadienne était là. Car aujourd'hui, le lundi 4 novembre 2019, les Errances Renadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ben là, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de cet homme qui m'a emballé par ses anecdotes, par son discours et surtout par sa disponibilité, M. Marc Avet. C'est tellement vrai que je le revois en février, toujours à Paris, avec mon magnéto, car il organise un mini-concert que je capterai pour vous, auditeurs de CKRL, le 89.1 à Québec. Alors maintenant, laissons la place à mon ami talentueux et corrosif. C'est bien d'avoir des gens qui nous tournent la vis, qui nous expliquent ce qui se passe à sa façon, à sa démesure et à sa plume très, très revendicatrice. En un mot, comme en mille, simplement, voici Marc Avet. Vol, crime, tradition, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront, ça tourneront. Vol, crime, tradition, ben c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront, comme dans le cochon, où tout est bon. Ça tourneront, sort les litrons, les quins à fond, amis buvons, du vrai du bon, et conservons nos vieux bouchons. La communion et les morpions, le droit de cuissage, l'excision, Napoléon, l'accordéon et la baston, et défendons notre blason. Vol, crime, tradition, ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, nous ça tourneront, ça tourne. Vol, crime, tradition, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, nous ça tourneront, manifestons et refusons qu'on touche à ces institutions qui tourneront. C'est la culture des Norvégiens, un pilier de la civilisation qui tourneront. Si tourbissons, tous ces mignons, empêcheurs de tirer en rond. Annouler à Cholet-Tromblant les fusils de chasse, les canons, aussi loin que nous remontions de Cronenbourg à Cro-Magnon. Vol, crime, tradition, ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront, oui. Vol, crime, tradition, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront, sans vol, sans crime, pas de prison. La ligue de flics, pas de matons, ni d'évasion. De serrurier, non, plus d'armurier, de munitions. D'emploi pour nos populations, par notre action, nous protégeons et sauvegardons ces professions. Tous les dragons, les escadrons, les bataillons et la légion, les tortionnaires, les espions, corporations qui tourneront. Exécution, viol, agression, loi du talion, lapidation, prohibition, la concussion, le rince cochon. Purification, déportation, strangulation, épandaison, inquisition, flagellation, crucifixion et délation. Vol, crime, tradition, ouais, c'est naturel, mais donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, donc ça tourneront, ça tourneront, ça tourne. Vol, crime, tradition, c'est naturel, mais donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront. Ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront. Salut, ça va? Voilà. T'es un peu en avance, mais c'est pas grave. C'est excellent. Il faut que j'envoie un SMS. Oui, rien après. 2 minutes, 3 minutes. Rien après. Parce que c'est pour hier qu'on avait dit, tu te souviens? Rien après. Elle me demande de lui répondre. C'est l'été, donc. Oui. Alors ça va, tu es à Paris pour un moment? Ben, je suis arrivé avant-hier et je repars lundi. Tu repars? Lundi. Lundi prochain? Oui. Oui, parce que je fais 52 rencontres, donc il faut... Oui, ça passe vite. Hein? Ah, ça passe très vite, oui. Écoute, j'en ai pour une minute. Oui, hein? Oui, mais le principe, prenez ça calmement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Oui, merci. Je vais me prendre... Ça va, il fait pas chaud, là. Non, mais pas pour le moment. En tout cas, prions. Voilà. Je vais me prendre un jus d'orange pressé avec un verre d'eau, s'il vous plaît. Allez, parfait. Merci. Vous voulez un petit croissant? Oh non, merci. Monsieur, vous voulez un petit croissant? Oh, pourquoi pas, oui. Allez, c'est là. T'étais à l'Olympia hier soir? Oui. Ah oui, il y avait Gérard Grappin qui passe en première partie. Qui? Albel Chéret. Hier, non? Non, ben, c'est peut-être pas tous les soirs. Oui, il y avait des soirs avec des premières parties. Avec Vanessa Paradis? Oui. Ah. Là, c'était une chanteuse qui proposait son premier opus qui s'appelait La Voyageuse. Oui. Et son nom, je ne m'en rappelle plus. D'accord. Bah, peut-être qu'il change les premières parties, là, ils ne sont pas les mêmes tous les soirs. Ben, il paraît que non, mais là, c'est sa dernière ce soir. Et je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment un fan de Vanessa Paradis. Mais je voulais quand même voir. Alors, le verre d'eau. Yeah. Êtes-vous fumeur, mon cher monsieur? Et le croissant. Êtes-vous fumeur? Sinon, on va disposer. Non? Ça? Est-ce que vous fumez? Non. Ok, parfait. Ne fume plus? Parfait. Depuis 30 ans? Ou... Excellent. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis chanteur, compositeur. Quand on me demande, vous, c'est quel genre? À cette question, moi, je réponds, je suis chanteur. Transgenre, c'est pas sorcier. Je cherche l'âme, frère, à qui parler. Il m'énumère, vous, ces genres classiques, jazz ou tango, rock musette, latino, reggae blues, flamenco, acid house, thrash metal, tendance, folk, dance, groove, ethnique, gothique, celtique, minimaliste, c'est genre festif, hip-hop, électropop, rétro, techno, no. Je suis chanteur, transgenre, c'est pas sorcier. Je cherche l'âme, frère, à qui parler. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis chanteur et même auteur. Quand on me demande, vous c'est quel genre ? À cette question, moi je réponds, je suis chanteur transgenre. C'est pas sorcier, je cherche l'âme, frère, à qui parler. Il m'énumère, vous, c'est genre classique, triste ou gay ? Chanson française ? Romantique, poétique, une écriture fine et ciselée, rimbaldienne, qui nous entraîne vers les rivages d'une enfance réinventée. Culte, érotique, féministe, engagée, c'est genre casse-couille ou plus ciblé. Spoken word, slam ou chanson, non. Je parle comme je chante et chante comme je parle. Je suis chanteur transgenre. C'est pas sorcier. Je cherche l'âme, frère, à qui parler. Alors, j'arrive. Il y a la presse, il y a la presse. Dans le silence de la nuit, effleurer d'un doigt le clavier et caresser les touches. Moderato cantabile. Quelques arpèges au clair de lune pour commencer mon adagio. Mais il y a une bombe dans mon piano. Oui, il y a une bombe dans mon piano. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer. D'un seul coup, elle m'a réveillé. Faudrait pas la désamorcer. Oui, il y a une bombe dans mon piano. Oui, il y a une bombe, c'est ça qu'il me faut. Faut surtout pas faire évacuer la salle. On va tous y rester. Plus je le frappe, plus je suis frappé. Ça y est, je suis habité. Je prends mon pied à déménager. Oui, il y a une bombe dans mon cerveau. Oui, il y a une bombe. Et si bientôt, à mon tour, je dois m'en aller. Dans un boom, je veux m'éclater à chanter. Et il y a une bombe dans mon piano. Oui, il y a une bombe dans mon piano. Bon, ah, le soleil. Oui, enfin. Ah, bah, c'est bien. Tu es là, toi, tu es dans le quartier. Oui, oui, je suis juste ici en bas. Il y a une petite auberge de jeunesse, là. Ah, oui, oui, oui. Et je suis là. Ben, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Marc, bonjour. Bonsoir. Bon, alors, bonjour. Alors, si on glane sur Internet, on voit souvent concernant. Est-ce qu'on se tutoie ou on se voit? Ben oui, on peut se tutoyer. Oui, c'est plus facile, oui. Alors, lorsqu'on glane sur Internet, on voit souvent le nom de marque associé à de la musique engagée. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ça, tu sais, les journalistes, c'est vraiment... Oui. Mais est-ce que tu te considères comme un auteur, compositeur, interprète engagé ou... Moi, mes modèles, je veux dire, moi, mon modèle d'origine, c'est Trainé. Alors, je connais tout Trainé par cœur. Je fais d'ailleurs des concerts de Trainé qui durent une heure et demie ou qui sont que... Mais il y a du matériel, hein, Trainé. Oui. Alors, moi, tu vois, engagé, comme disait Trainé, engagé à l'Olympia, peut-être. Je veux dire, c'est que moi, bien sûr, tout est politique. Moi, je fais une chanson sur un avomatique. Il y a une nana qui passe, il y a un mec, je sais pas, tout est politique. Quand je pète, c'est politique, je veux dire. C'est un peu... C'est galvaudé. Oui, engagé. Je suis pas engagé. Engagé peut-être, mais pas encagé. Non, pas enfermé, au contraire. Voilà, pas engagé. Épanoui. Libre. On peut considérer, évidemment, Brassens comme un chanteur engagé, mais c'est pas vrai, c'est vrai et c'est pas vrai. Mais par exemple, Jean Ferrat, oui, mais Jean Ferrat, justement, dans ce qu'il est... Il a fait de très belles choses avec les poèmes d'Aragon et tout ça, mais moi, ces chansons, ces textes, à lui, je les trouve un peu prêchi-prêcha. Okay. Voilà. Et ça, je ne fais pas du tout ça. Hein, non. Mais tu as regardé un peu sur mon site, sur Internet, les chansons. Bon, c'est pas engagé, hein. Bon, ça parle de beaucoup de choses de la vie, ben oui, polyamoureux, tout ça, les trucs, les licenciements, tout ça, mais c'est la vie, quoi, tous les jours, c'est la vie, ça, non? Mais qu'est-ce qui te fait prendre... Tu as commencé à quel moment à vouloir te consacrer à la... Oui, mais moi, c'est assez spécial. Moi, je suis né dans la musique. Hein. Soeur faisait du piano. Elle a fait le conservatoire. Après, elle a fait des chœurs et tout ça, professionnel. Ma mère, en amateur, jouait du violon. Enfin, je veux dire, on aimait la musique. Donc moi, je suis né là-dedans. Dès que j'avais 3-4 ans, j'ai joué du piano. Après, j'aimais bien chanter. Les autres, j'ai commencé à chanter Béco, Brassens, mais j'écrivais pas de chansons. Okay. J'ai fait du jazz, hein, il y a longtemps, quand j'étais au collège, parce qu'on a beau dire, quand on est étudiant, on a quand même un peu de temps, même si je faisais mes études, c'est moi, mes études d'architecture, parce que mes parents, à cette époque-là, c'est évident qu'à une époque, les gens disaient, mais tu vas pas faire musique ou peinture, c'est pas facile, tu vas crever la faim. Fait plutôt architecte, docteur, avocat. Le problème, c'est que maintenant, les gens ils disent plus ça à leurs enfants, parce que de toute façon, s'ils sont docteur, avocat ou architecte, ils crèvent la faim. Donc, ils disent, bah, fais ce que tu as envie. Fais ce que tu veux. Oui, voilà. Ouais. Moi, j'adore l'architecture, hein, mais c'est un autre, mais c'est très difficile. Comme ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Ah, voilà. Que pendant des années, alors, je chantais les autres, je jouais du jazz, pour m'amuser dans les fêtes, tout ça, toujours. Les gens disaient, oh ben, il va nous chanter, justement, du Trainet, du ceci. Mais les gens disaient, bah, pourquoi tu n'écris pas des chansons? Ben, il m'a fallu très longtemps. J'avais 16 ans, 20 ans, 30 ans, je n'écrivais rien. Je disais, bah, surtout dans les années 70, il y avait Brel, il y avait Brassens, il y avait Ferré, tout ça. Il y avait Gainsbourg aussi. Oui, à chaque fois que je voulais écrire une chanson, je disais, mais ça a déjà été fait. C'était un peu con, mais... C'était de la redite, et sinon, ouais, c'est ça. Mais toi, tu croyais que tu pouvais rien apporter. Voilà. Alors, tu sais, j'ai un copain, tu connais, Bernard Joyer. Ben oui. Alors, Bernard... Moi, je l'ai rencontré. Oui, alors Bernard Joyer, lui, ce qu'il dit, comment, mec, lui, c'est... Bon, alors, cette chanson sur, je sais pas quoi, une femme qui a perdu son Jules, ou je sais pas quoi, ça a déjà été fait. Il dit, oui, mais pas par moi. Mais c'est vrai. Oui, mais chacun a sa façon d'apporter le sujet. Mmh. Ben oui, exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'amène à, comme je vais revenir avec ma question, qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Ben, deux choses. Pendant longtemps, j'osais pas, parce que je te dis, bon ben, c'est con ce que je vais dire, enfin. Brel est mort, à un moment, Brassens est mort, Ferré est mort, Trainé, il est mort plus tard, mais il ne faisait plus rien, il ne composait plus. Donc, la plupart de... Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, tu sais, qui est très, très méconnu, c'est Guy Béard. Guibert, ben oui. C'est des choses formidables. Oui. J'ai un bouquin épais comme ça que m'a offert le mec des éditions du Cherche Midi. Il est sur ma table de nuit. Hein. À chaque fois, je trouve toujours un texte qui me plaît. Hein. Très intéressant, Guibert. Oui, ouais. Effectivement. Mais alors, j'étais un peu impuissant, quoi. Je me disais. Et alors, il y a donc le fait qu'à un moment, ben, moi, j'aime bien Higelin. Je l'ai connu, d'ailleurs, Higelin. On faisait des trucs ensemble, la vérité, tout ça, mais c'est bien, mais je ne retrouvais pas un peu foutraque, tu vois, je ne retrouvais pas la rigueur. C'est un chanteur très engagé, en matinée comme en soirée, la nuit, le jour, même à toute heure, il chante avec ferveur, mais au lieu de chanter comme toujours, à bas la guerre et vive l'amour, il nous raconte des inepties. Et rock and rock, il saute, il crie. Au début, tout ça choque un peu, le public est un peu nerveux, puis il s'habitue comme à tout. Parfois même, il y prend goût. C'est un chanteur très engagé que l'on écoute après souper. Il nous distille quelques leçons qui facilitent la digestion. C'est un chanteur très engagé sur le chemin des écoliers. Il court et fou, fou, fou. L'amour, la mort, il mélange tout. Plus on l'écoute et moins on sait qui est bon et qui est mauvais. Il met le monde dans une bouteille, le rouge et le blanc, tout pareil. C'est un chanteur très enragé contre les modes et les clichés, tous les lèche-bottes et les faux-culs, les snobs et les idées reçues. Il chante la vie de son quartier, ses laveries, ses rues, ses cafés, tout ébloui, vu qu'il ne voit pas plus loin que le bout de ses doigts. Tous les soirs au fond d'un bistrot, tout en tapant sur un piano, devant une faune qui n'a pas peur de rire et de reprendre en cœur. C'est un chanteur très engagé sur le chemin des écoliers, sur la rengaine de l'air du temps. Il joue toujours à contre-temps et contre les moulins à vent, un peu beaucoup passionnément, à la folie, à la gaieté. C'est un chanteur très engagé. Gainsbourg, mais c'est un peu à part, Gainsbourg, c'est la musique surtout. Moi, justement, j'aime la musique, donc la musique, ça m'a jamais fait peur, tu vois, moi, mais c'est les paroles, les textes, je voyais pas l'intérêt, tu vois, à chaque fois, je dis, oh, bon, ben, voilà, je connaissais tout, je dis, oh, ben, cette chanson-là, ben, ça me fait penser à cette chanson-là, genre, alors c'est pas la peine de l'écrire. Mais c'est con. C'est une façon de voilà. Voir la... Alors, justement, c'est pour ça qu'on peut parler de chanteur engagé, c'est par hasard, et si tu veux... Donc, dans les années 70, assez raide. Hein. Je fréquentais, je connais tout le milieu, tu me doutes bien, je connais tous les. J'ai connu le presse, je voyais tout ça, hein, la faille, tu sais, dans les milieux comme ça, tu sors. La faille que j'ai rencontrée. Voilà, tu vas au Forum, au Ferré, tu vas au machin, on se connaît tous. Hein, Ouais, c'est une petite clique. Hein. Oui, ben, hélas, c'est une petite clique parce que, justement, là, le problème, c'est qu'on n'est plus beaucoup à la radio, c'est qu'on est un peu censuré, quoi, par Radio Libertaire, Fréquence Paris Pluriel, deux, trois radios. Les radios qui sont très écoutées, c'est-à-dire RTL, tout ça, ne passent plus ce genre de chanteurs. Moi, tu sais, j'ai fait une soirée chez moi, mais je fais des soirées, des concerts à la maison maintenant, parce que comme j'avais un cabaret pendant un quartier dessus, magique, ça a quand même duré 37 ans. Était à côté de Montparnasse, là, vers le cinéma, l'entrepôt, tout ça, tu vois, derrière. On est resté 37 ans, là. Mais, un truc assez intimiste, moi, je chantais, j'invitais quelques amis. Eh ben, oh, des bons amis. Jean-Michel Piton, par exemple, je sais pas si tu non, tu connais pas. Ah, Jean-Michel Piton, c'est dommage qu'il t'en ait pas parlé. Yvan Dautin, oui. Oui. Alors, mais Jean-Michel Piton, il fait un spectacle sur Bernard Dimet, c'est un barbu qui est large comme ça, il ressemble à Bernard Dimet d'ailleurs, on se croit ici. Et il est absolument... C'est la copie conforme. Oui. Non mais il est extraordinaire. C'est beau, j'ai pensé que c'est quelque chose de vivant. Non, c'est bien mort, mais ça va vivre, ça va. Ça, c'est drôle. C'est une nature morte, mais pas... Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Ben oui, que toujours est-il que moi, il y a eu quand même un détonateur. C'est peut-être pour ça que les gens disent ça, mais moi, je trouve pas. Tu sais que je mélange tout un peu, mais je vais avoir un bouquin qui va sortir à la rentrée avec 200 textes de mes chansons. J'ai écrit à peu près 200, au moins 200 chansons qui sont présentables. Donc, j'ai un éditeur très jolie la maison d'édition. Le titre, c'est La Lucarne des écrivains. Oh, c'est bien. C'est une belle, beau titre. Ça, c'est la maison d'édition. Oui, ils sont vers la Villette. Il a une librairie et il fait des éditions. C'est ce type qui avait créé cette librairie. Il est mort. C'était Claude Duneton. Ça dit quelque chose. Hein, ah, oui, oui. Je l'ai bien connu. Parce que, ouais, on est dans une clique connue. Ah, oui, c'est ça que je dis. Et alors, c'est un village presque. Oui. Et alors, c'est bien. Je n'aurais jamais pensé, moi, parce que tu vois, justement, Ferrail avait refusé une fois, parce que moi, je me dis, mais j'écris des chansons, j'écris pas des poèmes. Mais c'est pas les chansons de poèmes, c'est bien d'avoir les textes aussi. Oui. Parce que maintenant, les textes, on les met plus sur les disques, parce que, tu sais, les gens, ils achètent plus beaucoup les disques. Alors, tu vas pas rajouter les textes, ils vont augmenter le prix du disque. Ouais, ouais, ouais. Donc, ah oui, j'ai fait un concert chez moi avec Michel Buller. Ok, oui. Il y a 15 jours, là. Ah oui, ok. Il y avait, mais dans ma chez moi... J'habite à Montparnasse, c'est une petite maison que je me suis construite il y a 40 ans, mais dans une cour. Hein. Okay. Maison en bois, comme les charpentiers aux États-Unis, là. Oui, oui, oui, oui. Au Canada. Ouais, ouais, au Québec, oui. Oui, et alors, il est venu, il m'adore, on se connaît, on fait des joutes en chansons. Ça, c'est un concept que j'ai inventé un peu. J'invite un artiste, ou une artiste, arrêtons cette histoire de une, hein. S'en fout, quoi. Ouais. À propos de ça, je vais te raconter une blague. Ouais. Traînée, à la fin de sa vie. Tu sais, le mec, les coming out et tout ça. Alors, il faisait un genre. Moi, tu dis, je parle en zigzag. Faut pas non, non, non, il n'y a pas de problème. Et alors, j'ai un esprit comme ça. Oh, oui, c'est bien, c'est bien. Oui, et alors, il y a un connard de journaleux. Enfin, je n'en veux pas au journaleux, il y a très bon. Mais le mec, il est là, il lui dit, évidemment. Alors, vous, monsieur, traîner, c'est plutôt les hommes, hein. C'est plutôt... Et traîner lui répond, oui, ce sont des êtres humains. L'autre, il a et fait. Voilà. Il a voilà. Plus dire, moi. Ah oui, effectivement. C'est fort. Oui, oh, ben, traîner avec le sens de la répartie. Comme ça, une répartie, c'est à la fois poétique. Ben, comme l'autre, vous connaissez pas bien la musique. Non, mais la musique me connaît. Mais, oh, oui, ça, il ressort tout de suite. C'est retourner la question, hein. C'est de prendre la question. C'est des êtres humains. Je ne peux pas dire un truc plus génial que ça. Oui, effectivement. Et l'autre, une fois de Drucker qui vit aussi. Il avait invité pour ses 80 ans, alors il avait... Il avait des cheveux teints, sûrement des implants, il avait des fausses dents, des râteliers, il avait tout faux, quoi. Et alors, Drucker lui dit, vous ne changez pas, vous êtes toujours jeune, monsieur Trenet, tu sais, l'inoxydable Drucker. Monsieur Trenet, et Trenet dit, plus je vieillis, plus je deviens artificiel. Oh, c'est bon, c'est bon. Ça fait penser aux humanoïdes. Mais il faut vraiment avoir une vision de soi assez, assez précise et non édulcoré. Oui, oui, bien sûr. Toute chose sur là. Et prendre du recul, bien oui, sûr, oui, toujours. Oui. Enfin, donc, chanteur engagé, il y a peut-être... Non, je dis bien peut-être. Parce que je réponds à ta question, toi, oui. J'ai comme ça. Bon, pendant longtemps, j'ai pas osé. Mais quand je dis pas longtemps, jusqu'à l'âge de 37 ans, ou de plus, c'était quand même rare. Quand j'avais 20 ans, à 30 ans, je faisais du piano encore, j'ai recommencé. Je travaillais comme architecte, mais je faisais de la musique. J'ai laissé un peu tomber le jazz, parce que le jazz, ça prenait beaucoup de temps. Et puis c'était plus le jazz que je faisais. Non, mais je faisais pas du New Orleans. Hein. Je faisais quand même du jazz. Je quand même jouais les morceaux de Coltrane et tout ça. Okay, okay. Pas... Les bons classiques. Oui, oui, mais à l'époque c'était pas les classiques, c'était oui, tout oui, nouveau oui, en oui, 1960. Oui, exactement. Oui, mais aujourd'hui oui, c'est oui, un mais peu je du standard. Oui, c'est resté. J'adore Horacio Levert, Elvis Presley, tout ça. Je connais. J'adore le jazz. Ben oui. Mais alors je veux dire que là c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment dans les années 70, mon fils est pianiste. Hein. Il fait des bonnes choses hein, aussi. Il est pianiste. Il joue avec des tas de groupes. Et il a joué avec les Têtes Raides pendant très longtemps. Ah oui, excellent, excellent. Ah oui. Oui. Là, il a été chez Madame Arthur, ils font des spectacles. Oui. Ce soir, il est à la radio à un spectacle, une émission, là, L'Épingle du Jeu, une émission qui passe sur... Sur France Inter. Oui, mais j'y vais pas parce que, oui, on peut pas être partout. Et voilà. Ben oui, mais non, ben, chacun vit sa vie. Ben, des fois, on s'invite. Mais tu peux l'écouter à la radio. Oui, ben, ouais. On s'invite des fois. L'autre jour, il m'avait invité dans un truc qu'il avait fait avec des tas d'artistes. Eux, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent parce que, mais dis donc, ben, vaut mieux avoir une épouse qui gagne sa vie. Parce que, ben, on rigole, mais toujours les mecs, ils disent. Moi, c'est pas mon cas. Moi, tu sais que ma femme, on s'est connu à l'école d'architecture. Elle est architecte, je suis architecte, on fait tout ensemble. Elle est moins musicienne, elle chantait, mais maintenant, elle fume trop. Et donc, la voix baisse. Mais par contre, Et même les chansons, c'est mon premier cobaye, c'est bien. Ouais, ouais, moi, ouais, je suis avec mon piano dans mon le premier spectateur. Ouais, genre, je lui dis donc, qu'est-ce que t'en penses? Pas terrible, ah, merde. Oh, oh. Okay. Alors, elle est directe. Moi, je suis content de moi. Tu es génial. Ah, ça, c'est génial. Elle me dit, oui, mais c'est pas très lisible. Bon, oh, ah, merde. Bon, on recommence. Mais c'est bien parce que c'est le premier spectateur, donc elle est... Quand j'avais les enfants, encore maintenant, ils sont grands. Ils ont... Mais quand ils étaient à la maison, qu'ils étaient petits, je les faisais chier, ma fille, j'ai une fille, je les emmerdais tout le temps. Alors, chanter des bouts de chansons. Puis comme une fois, ils me faisaient chier, j'ai écrit une chanson, justement, qui est un truc, mort aux enfants. J'ai... Ils sont sales, ils sont bruyants, mort aux enfants. Ah, c'est dégoûtant. Ils viennent manger le pain des grands. Alors c'est ça qui est peut-être engagé, que les gens trouvent engagé. Tiens, tu vois, une chanson sur les enfants, on disait, avait une blague, comme le Presque avait fait une chanson, Joël les gosses, là. Mais moi, ça, pourtant le Presque était engagé, entre guillemets, mais moi c'est pas, mais ça transparaît peut-être, tu vois, c'est-à-dire ce que les gens appellent engagé. Je sais bien, l'autre jour, il y avait un article de journal, j'avais été chanté en Touraine, et il y avait un article, il m'était chanteur engagé, enfin, il dit toujours dynamique, tout ça. Je sais pas, l'engagement, je sais pas ce qu'ils appellent l'engagement. Alors, c'est vrai, par exemple, mon nom aux enfants, tu vois, tu te dis, bon, c'est une blague. Bon, le mec, il dit, il m'emmerde, les enfants, ils sont chiants, toujours dans mes pattes, mort aux enfants. Bon, c'est un gag, c'est une blague, si on peut dire. Et puis d'un seul coup, tu dis, ils viennent manger le pain des grands. Oui, ça commence à devenir plus caustique. Voilà, et plus politique, entre guillemets, parce que c'est des allusions et des choses, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une raison, c'est que j'ai pas fini de répondre à ta question, donc les deux détonateurs qui donc a presque 30 passés, presque pas loin de cadra, j'ai commencé à beaucoup rire. Alors là, une chanson par semaine, j'arrête plus, moi déjà j'en ai pendu en 15, en 20 ans, 200 chansons, en fait. Ouais, mais comment l'inspiration venait de partout? Ben oui, de partout, parce que comme j'étais resté refoulé pendant des années, d'un seul coup, j'avais envie de tout raconter, tu vois. Donc, au début, j'en faisais une par semaine. Après, une par mois, ça se calme un peu, parce que c'est plus difficile de se renouveler. De trouver... Sauf à répéter ce que font certains, et là, certaines vedettes, d'ailleurs. La chanson, c'est la même que l'an dernier, il a changé un truc. Moi, j'ai toujours cité cet exemple, mais je l'aimais bien, Louis Chédid, pardon. Oui. Louis Chédid, il avait fait son tube avec « Ainsi soit-il ». Quel est le nom du film? Alors bon, l'action dans le berceau, donc machin. Bon, bah, ça a bien marché, parce que c'était une espèce de rap parlé, chanté, de trucs, avec cette espèce d'action. L'action commence, le scénario, la caméra. Bon, il y avait une idée. « Ainsi soit-il, tel est le nom du film ». Bon, son premier tube qui marche. Début des années, milieu des années 80. Oui, exactement. Et alors, bon, bah, la maison d'édition, il marche, comme toujours, il va chez Imaï ou chez je sais pas qui. On n'est pas très sérieux quand on a 120 ans, c'est désespérant. Vraiment pas sérieux le soir sous les tilleuls de parler tout seul. Pas sérieux quand on n'a plus d'amis d'être encore en vie. Pas sérieux quand on a cet âge là on n'en revient pas. Âge ingrat que celui-là. Âge ingrat que cet âge là On n'est pas très sérieux quand on a 6 fois 20 ans de faire l'enfant. Ah non, vraiment pas sérieux après toutes ces années de n'en plus finir de jouer. Pas sérieux passer 40 000 jours de courir après l'amour. Pas sérieux quand on a cet âge-là, on ne pense qu'à ça. Âge ingrat que celui-là. Cet âge-là. On n'est pas très sérieux quand on a 300 ans de courir après le temps. Non, vraiment pas sérieux quand on est millénaire de vouloir trop en faire. Pas sérieux à mille et des brouettes de pas prendre sa retraite. Pas sérieux d'attendre 100 000 ans pour dormir 100 ans. On n'est pas très sérieux quand on a l'âge de pierre de briser sa carrière. Vraiment pas sérieux quand on est du tertiaire de vouloir s'en extraire. Pas sérieux quand on est terre à terre de partir en croisière à travers l'univers dans les interstellaires. Pas sérieux quand on est que poussière à des années-lumière de s'envoyer en l'air. quelques 6 mois plus tard, ah ben monsieur, j'ai dit, faut nous en sortir un, faut nous sortir un single, un quelque chose, merde, on n'est pas, hein, faut bosser. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Ainsi va la vie. Ainsi, bah, c'est du copier-coller, je veux dire, ainsi soit-il, tel est le nom du film, il refait une autre chanson, c'est ainsi va la vie, ainsi va la mort. Bon, tu dis, bah, il s'est pas fait chier, à la place d'ainsi soit-il, il a mis ainsi va la vie. Je veux dire, ça, c'est des clones, c'est pas des doublons. Mais il faut dire que les maisons de disques poussaient souvent l'artiste. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Oui, c'est encore autre chose. Parce qu'il n'y a plus de. Enfin, ils laissent tomber les mecs, il faut que les mecs ils se produisent eux-mêmes. Ah oui, exactement. Mais ben, c'est ça le problème. Mais aussi, quand tu signes avec une maison de disques, ben, c'est pour 5 albums. Et les 5 albums doivent être faits en 10 ans ou en. Oui, c'est ça. Mais on voit bien qu'il était pris à la gorge. Mais moi, il y a une fille qui voulait chanter ma chanson aussi. Elle n'est jamais arrivée, mais. Il y avait un producteur, Caroline Loeb, qui avait fait un tube avec C'est la Watt, qu'elle préfère. Alors elle venait m'écouter dans mon cabaret, elle m'a tourné une chanson de moi qui n'est pas trop sur YouTube d'ailleurs. Si quelque part, tu as peut-être du mec, nana, mec. C'est pas pareil, les rapports mec, nana, mec. Nana, smack avec un mec, assez beau mec, et plutôt un truc à dément. Mais j'ai fait ça bien avant le rap, enfin, j'ai fait ça dans le courant des années 80 quand j'ai commencé à écrire des chansons. Elle entend cette chanson, il n'y avait pas qu'elle, il y était plusieurs nanas comme ça. Les nanas, je ne sais pas, des mecs, il y avait Caroline Loeb, il y avait Sabine Paturel. Ah oui, ben oui. Il y avait l'autre, Agnès Soral. Tu vois, c'est toutes ces nanas qui ne sont pas des vraies chanteuses, qui sont des actrices qui chantent. Comédiennes, oui, aujourd'hui. Voilà. Alors tu dis, à chaque fois, tu dis, ah oui, les rapports mec et mec-nana, ça les excitait, tu vois. Alors je lui dis, bah oui, mais c'est pas facile à chanter, hein. C'est plus compliqué que du Bobby Lafont, c'est déjà compliqué. Alors bon, mais elle en voulait. Et. Bien sûr, il y avait un producteur, je sais pas quoi, Java Production. Le mec, il arrive, il dit « Oh ben non, c'est trop compliqué pour toi, tout ça. » Et le mec, il me dit « Peut-être. » Alors là, c'est des sales cons, tu sais, mais le mec, il commence à me dire « Modifier le texte, c'est ça ?» Il me dit « Oui, il faudrait simplifier. » Je lui dis « si vous voulez que je simplifie, je lui dis, c'est même pas la peine de me le demander. Aller chercher quelqu'un d'autre pour faire une autre chanson. Ouais. » Ben, c'est ça. Similaire, souvent, ils bousillent, mais ils sont pas capables. Et alors, plus grave, parce que moi, j'aime bien les blagues, t'as vu, je lui réponds au producteur, je lui dis on déjeunait avec elle, puis elle a été emmerdée à Caroline Loeb parce qu'elle voulait vraiment le faire, puis elle voyait bien que ça se goupillait mal. Mm-hmm. Puis moi, j'ai envie de chanter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chanter. Hein. Mm-hmm. C'est ce que les mecs ne comprennent jamais. Tu sais, une autre question, je te réponds dans le désordre, le mec il dit, vous voulez être connu? Je suis reconnu. Tu vois? Oui, mais j'ai une différence. Et reconnu, et que mon carnet d'adresse, que si j'ai un contrat toutes les semaines, si je peux chanter au moins une fois par semaine, je suis heureux. Ouais. Le reste, je m'en fous un peu. Tu vois, le mec, il me dit reconnu. Moi, si, d'ailleurs, c'est reconnu si je chante une fois par semaine ou au moins tous les 10 jours que j'ai un contrat, que je me balade en France ou en Europe, je suis heureux. Ouais. En Europe, je dis en Europe, parce que j'ai jamais été chanté au Québec, justement. J'ai été chanté en Afrique, dans les pays francophones, au Mali, au Burkina Faso, tout ça. J'ai été chanté même en Hollande, où il y a beaucoup de mixtes. Les Hollandais sont très polyglottes. J'ai jamais été chanté au Québec. Bon, bah, c'est loin, il faut bien reconnaître. J'y ai été, mais j'y ai été pas en tourisme, parce que je ne fais pas de tourisme. Non, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas mon truc. Comme toi, t'es là, il faut toujours qu'on bosse, qu'on fasse quelque chose. Oui, je ne suis pas là pour. Pour aller voir la Tour Eiffel. Oui. Ben non. De toute façon, on la voit au passage. Ouais, on la verra bien. Puis, une fois qu'on l'a vu, c'est terminé. On passe à autre chose. Ouais. Quand même. On s'est compris. Ben voilà une chanson. Oui. Moi, j'ai fait une chanson aussi comme ça. Vacances en banlieue. Parce qu'il a entendu. Alors, j'ai vu cette année. En vacances en banlieue. Ah, j'ai entendu. Oui, ben c'est que des chansons comme ça. Mais faut que j'en ai beaucoup sur YouTube. Oui. Mais celle-là, je n'ai pas entendu. Oui, mais. En vacances en. Banlieue. Et alors, je dis, cette année, j'en ai marre d'aller toujours tu vois, en Inde, en je sais pas quoi, voir des trucs, des oasis et des palmiers. Vacances en banlieue, c'est bien. Et alors, je raconte mes vacances en banlieue, tu vois, c'est drôle, quoi. Oui. Parce qu'il est vrai, des fois, les mecs, ils courent, comme dirait le proverbe oriental, quoi, tu vas pas chercher au bout du monde ce que tu peux trouver devant ta porte, merde. Des fois, tu te démerdes. C'est vrai. Enfin, pour revenir à. Alors, le détonateur, j'ai pas fini, j'ai pas l'air, mais j'ai quand même. Ouais. C'est très mitterrandien, tu sais, la litote, tu sais, tu es là, mais je... tu crois que c'est terminé, mais non. Mais non, mais je peux pas faire autrement, comme ça. Mais je suis quand même mon petit ordi. Donc, le détonateur, ça a été le détonateur. Un des trucs, oui, donc, en dehors de ce que je te disais, que peut-être cette timidité que j'avais par rapport à tous ces artistes qui sont morts les uns après les autres, ou s'ils n'étaient pas morts, ils ne produisaient plus, et que dans la nouvelle chanson française, que j'aime bien, Bah, justement, à l'époque, il y avait Dautin, après, il y a eu Souchon. Je te dis, Higelin, je l'ai bien connu. Bon, c'est des gens... mais je ne me reconnais pas dans ce qu'ils écrivent. Il y a Brigitte Fontaine aussi. Ah, bah, je l'ai connue, je l'ai bien connue à la vieille grille. Alors, mais en 68, ça, complètement givré. Mais à l'époque, elle était moins. Mais elle était très intéressante. Mais moi, elle était accompagnée par des musiciens que je connaissais. Mais il y avait Roger Mason, qui est à New York, qui est enseignant. Roger Mason, Steve Waring et tout ça. Ces gens-là, on est complètement marginaux. Moi, je suis un 68 art type. Ma femme, on a fait 60 mai 68. Hein, on est dans ce cas-là. Ouais. On n'est pas nostalgique. Hein. Non. Alors, ça, toujours. Okay. Non. Mais c'est mieux. Hein. Mais par contre, les mecs, ils nous font toujours chier. Ces mecs, mais vous étiez cons. CRSS7, tout ça, c'était con. Je dis, ben, on était cons, mais c'était bon. Moi, c'est toujours ce que je réponds. Écoutez, hein, on était cons, mais c'était bon. Et à la limite, je dirais que je renie rien. Tu vois, parce que. Ça me fait marrer. Alors, t'as vu, je mélange là, mais t'as vu en France, là, les gilets jaunes, les mecs, sale con. L'anti-gilet jaune, tu vois, c'est des fachos, c'est tous des cons. Pas vrai. C'est des gens simples, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de sincère dans ce mouvement. Tu reviendras, d'ailleurs, de toute façon. Si ça s'appelle gilet jaune ou gilet, je trouve, on s'en fout. C'est qu'à force de tirer sur la ficelle, t'as des gens qui sont dans la merde et que. Hein, ils revendiquent leur condition. Le droit d'exister. Ah, oui, mais leur condition quand même. Le mec, ils ne peuvent pas bosser sans voiture, ça je l'avais compris. Moi, j'ai plus de voiture depuis pas mal d'années à Paris, puis c'est complètement con. J'en ai eu des voitures, là. Puis ça m'a passé. Hein. Je me dis, mais ça suffit, on va arrêter de claquer du pognon avec des bagnoles et qu'on ne sait pas où les garer, qu'on se fait chier, et que finalement, après, j'en loue une fois par an ou deux fois par an, si vraiment j'allais quelque part en vacances, quelques jours, mais sinon. On se débrouille toujours. Hein. Moi, je vois, j'ai des engagements pour aller chanter dans des bleds. Hein. En France, t'as des bleds. Eh ben, non, t'as toujours un train qui arrive là. Le mec, il vient de me chercher à la gare. C'est des conneries, ça. Tu sais, d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui ont des accidents à cause de ça. Parce que quand tu as chanté sur scène, et t'es fatigué. T'es pas l'heure de. Faut avoir un chauffeur. Alors, là, faut être une star. On est loin. Brassens, s'il avait un chauffeur, parce qu'il aimait pas conduire, il avait raison, parce que c'est pas. T'es distrait. Moi, je sais que j'étais distrait à la fin. Justement, quand je conduisais encore beaucoup, tu penses à ta chanson, tout ça, t'es là. Penses au spectacle, tu vois. Maintenant, dans les embouteillages à la con, là, mais c'est invivable, quoi. Surtout dans les villes. Faut être fou, quoi. Et alors, donc, le détonateur, quand vous arrivez, c'est 1981, c'est quand même ça. C'est parce que, quand, justement, moi, j'étais quand même engagé, pas comme chanteur, comme dans la vie, dans notre vie, c'est ce qu'on appelle des gauchistes, on disait pas écolo encore à l'époque, mais c'est ça, des gauchistes, machin. Ben moi, si, moi, je lisais La Gueule Ouverte, un journal avec Harakiri, tout ça, qui étaient des journaux, que les mecs se foutaient de gueule, ils disaient vous les retournez à la bougie, alors que les mecs ils avaient tout prévu. Déjà en 75, ils disaient vous savez ça va mal se passer. Et bien ça se passe mal. Effectivement. Il n'y a pas besoin d'être forcément un fakir pour deviner ça. Mais enfin, donc 80, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, justement, tous les mecs étaient là, on a gagné. Toi. Et tu dis attends. Et si on a gagné quoi? Et alors, on s'en est vite aperçu. Moi, je suis souvent fait traiter de sale con, de réac et tout ça. Pas que moi, ça, des artistes d'un certain. Moi, je dis, c'est toujours un soutien. Un soutien, mais pas aveuglé. Moi, tout de suite, on a dit, ben non. Il y avait un journal qui a disparu, qui était bien d'ailleurs, qui s'appelait. Machin hebdo, la politique hebdo, tu vois, c'était. Il disait politiste, gauche critique. Okay. Voilà. C'est-à-dire pas BMA, on a gagné, pas. Papa, tonton va nous arranger ça. Non, rien du tout. D'abord, il n'y a ni Dieu ni maître, on n'a pas à compter sur. Donc, on n'a qu'à compter sur nous. Et c'est vrai que j'ai souvent fait des chansons qui se moquent justement, aujourd'hui on appelle ça les bobos, c'est un peu con ça. Mais moi par contre, je veux dire que voilà, que c'est peut-être engagé, c'est ça quoi. Enfin, faut les écouter les chansons. Je suis sorti de l'asile, aujourd'hui je suis guéri. Je suis sorti de l'asile, je vais retrouver la vie. Je suis sorti de l'asile, mon séjour est terminé. Après tout ce temps d'exil, je goûte à la liberté. Fou. Oui, j'étais fou, fou, fou. Oui, vraiment fou, fou, fou. Oui, j'étais fou, fou, fou. Et par les rues de la ville, seul avec mon baluchon, je marche calme et tranquille, et je rentre à la maison. Et par les rues de la ville, j'ai demandé mon chemin à quelques passants, mais ils ne causaient qu'avec leur chien. Ouh, fou, fou, fou, là c'était fou, fou, fou, oui vraiment fou, fou, fou, oui c'était fou, fou, fou. Plus loin près du centre-ville, j'ai vu que des forcenés avec des visages hostiles couraient sans se regarder dans un tas d'automobiles où là les plus agités passaient sur les plus fragiles pour arriver les premiers dans des trucs fous, fous, fous, à des prix fous, fous, fous, oui vraiment fous, fous, fous, encore plus fous, fous, fous, un camion fous, fous, fous, avec des fous, fous, fous, toujours plus fous, fous, fous, entre les automobiles en donnant des coups de sifflet. Un démon casqué, fébrile, foufou, faisait de grands moulinets. Des foules s'avançaient en file, et derrière leurs boucliers, des régiments de débiles s'amusaient à les cogner. Fou, fou, fou, oui c'était fou, fou, fou, oui vraiment fou, fou, fou, oui c'était fou, fou, fou, oui des cris fou, fou, fou, et des morts fou, fou, fou, à des prix fou, fou, fou, des bovins fou, fou, fou, des moutons fou, fou, fou, un troupeau fou, fou, fou. Et par les rues de la ville, seul avec mon baluchon, je marche calme et tranquille, et je rentre à la maison. Je vais retrouver l'asile, les infirmières, les amis, les jolies blagues faciles, sous la douche en parapluie. Fou, fou, fou, un plaisir fou, fou, fou, un amour fou, fou, fou, un piano fou, fou, fou, un chanteur fou, fou, fou, un public fou, fou, fou, un succès fou. De mon enfance, j'ai gardé souvenirs de jeux pleins d'innocence et de rire, de ces dinettes, de ces jouets malicieux face à mon cœur en fête et joyeux. Moi j'aime les poupées gonflables, je retrouve en elles ce monde irréel. Moi j'aime les poupées gonflables, mes yeux s'émerveillent, jamais pareil quand elle flotte légère dans les courants d'air et dans la baignoire, blanche, jaune ou noire. J'aime à me perdre dans leurs profonds coussins et tout en prenant l'air au jardin, selon les normes pas toujours bien moulées, tour à tour filiforme ou potelée. Moi j'aime les poupées gonflables, avec un sourire prêt à s'entrouvrir. Moi j'aime les poupées gonflables, avec un beau masque tantinet fantasque, avec un mystère au creux des paupières, avec ou sans rides, mais surtout pas vide. Dans un souffle, je leur dis mon amour, quand vers elles, je m'essouffle et j'accours. Quand elles respirent, je sens mon cœur qui bat plus vite et se déchire au combat. Moi, j'aime les poupées gonflables, dans celles se tordent, on voudrait les mordre. Moi, j'aime les poupées gonflables, gourmande, elles s'enflaient, se tendent, elles planent, elles s'envolent. Belle vision folle, bleu, rose, écarlate, violette, elles s'éclatent. Souffler n'est pas jouer, il faut savoir aimer et ne pas trop gonfler les poupées. S'habillant riche pour faire plus comme il faut, les riches s'habillant pauvres pour faire plus rigolo, les pauvres aiment les princesses, les riches leurs dactylos, Les pauvres parlent de richesse, les riches de leurs impôts. Être ou ne pas être, comme disait ma bonne. Être ou ne pas être, that is the question. Les pauvres mangent des plats riches pour pouvoir travailler. Les riches mangent des plats pauvres pour garder la santé. Les pauvres prennent des vacances, les riches un peu de repos. Les pauvres usent de l'essence, les riches font du vélo. Être ou ne pas être, comme disait ma bonne. Être ou ne pas être, that is the question. Les pauvres s'abrutissent dans la télévision. Les riches, eux, réfléchissent devant une émission. Quand les pauvres ont la crève, les riches sont grippés. Et quand les pauvres crèvent, les riches sont décédés. Être ou ne pas être, comme disait ma bonne. Être ou ne pas être, that is the question. Les riches volent, volent, c'est toute une tradition. Les pauvres attirent d'elles, les riches sur un tapis. Les pauvres vont au ciel, les riches au paradis. Révolté par l'injustice, la pauvreté, les brimades, les sévices, je suis allé à la manifestation décidée. Laver contre l'exclusion pour lutter. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. À l'heure dite, j'arrive à l'aise, plein des mois. Je remonte le cortège et je vois une foule immense et folle bariolée. Tous les groupes, leurs banderoles déployées. Et tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey. Entre les cheminots et les enseignants, les artistes, les égoutiers, j'hésite quand. Du service d'ordre, un gros bras me retient. Toi t'es pas du syndical, va plus loin. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Entre les délégations réservées, en costume le franc-maçon, le clergé. Quand les personnalités là sont passées, un cerbère me dit allez, circulez. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey. Sous un étendard qui me plaît, où souffle un vent comme une arme, je m'y mets. Sous son casque, un militant agité me dit, toi t'es qu'un agent infiltré. Tous ensemble, hein, hein, ouais, ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble. Ah, vous voici juifs, vous mes frères, tant bannis. Vous qui avez tant souffert, je vous suis. Un chapeau à barbichette m'a toisé. Tu n'es pas fils du prophète, désolé. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey. Je vois de superbes rousses sur deux rangs. Avanti à la rescousse, je m'y rends. Une me dit t'es qu'un infâme vieux salaud. On ne veut pas de quoi vivent les femmes en solo. Bah tous ensemble, tous ensemble, bah tous ensemble, tous ensemble. Ça y est, j'aperçois les gays, enfin. Comme un air de libre fête me revient. Et là, ça dure un bon poète, ces mots ne rêvent que de se mettre en réseau. Tous ensemble, le cœur gros. Au milieu, seul je défile, sans drapeau. Adieu, ma petite maman, je vais mourir. Je suis qu'un enfant, pourtant je vais mourir. Je n'avais pas assez l'identité française. Pourtant, à l'école où j'allais, j'étais bon en français. Adieu ma petite maman, je vais mourir. Je suis qu'un enfant, j'aurais pas dû m'enfuir. Quand les gardiens de la paix me pourchassaient, ils allaient m'attraper. Quand j'ai sauté dans le vide pour m'échapper. Pleure pas ma petite maman, je vais partir. Paraît qu'ici on ne peut pas recueillir toute la misère du monde. Et que sans tarder, pour remettre la France au travail, il faut que je m'en aille. Ne pleurez pas mes chers parents, je vais plus souffrir. J'aurais pu être enlevé, violé ou pire. On vous aurait reçu à l'Élysée. Sur notre sort, la France aurait pleuré. Mais nous, pour eux, c'est une histoire minable. Si je fuyais, c'est que j'étais sûrement coupable. Adieu, ma petite maman, je vais mourir. J'espère que ma mort pourra servir. Et que bientôt la chasse à l'étranger, comme toutes les chasses, sera périmée. Pourquoi les riches nous pillent et nous repoussent? Pourtant tout est à tous. Un jour peut-être pour se repentir. Plus tard dans les écoles, un président décomplexé fera lire aux enfants cette pensée d'un étranger étranger. Adieu ma petite maman, je vais mourir. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Une année t'étais brune, une autre t'étais blonde, je me souviens d'un été, t'étais décolorée. Dans ta robe jaune fluo, je trouvais ça rigolo. Tes lèvres vermeilles, tes bas gris souris et tes ongles indigo. L'automne où t'étais rousse, quand t'as changé tes yeux, avant ils étaient bleus, et que t'as pris des lunettes avec une monture verte. J'ai lu dans un recueil que l'amour est aveugle, mon œil. Toi, tu m'en as fait voir, et de toutes les couleurs, mon cœur. Ensemble, on est parti. D'abord la Côte d'Azur, et on a vu Orange, et puis la Côte d'Opale, la barrière de corail, le fleuve jaune au printemps. On a vu les mirages au pays des hommes bleus. On a passé l'hiver au sommet du Mont Blanc, traversé la mer morte. On a vu la mer noire, on a vu la mer rouge, mais la vallée des roses. J'ai lu dans un recueil que l'amour est aveugle, mon œil. Toi, tu m'en as fait voir, et de toutes les couleurs, mon cœur. C'était la vie en rose, et les nuits étaient blanches. Champagne, frasque folle, quand t'as perdu au jeu, tu riais plutôt jaune. Tu voyais tout en gris, quand tu broyais du noir, tu partais te mettre au vert. Tu m'as fait une peur bleue, quand tu t'es suicidé. T'avais une de ces pêches, au réveil le lendemain. Quand t'as repris un coup de blues, tu vois, moi j'ai vu rouge. J'ai lu dans un recueil que l'amour est aveugle, mon œil. Toi, tu m'en as fait voir, et de toutes les couleurs, mon cœur. Une année t'étais brune, une autre t'étais blonde. L'automne où t'étais rousse, je trouvais ça rigolo. T'étais décolorée, quand tu t'es suicidée. Tu m'as fait une peur bleue, quand t'as changé tes yeux. Ensemble on est parti, avec une monture verte. Champagne et fresque folle, au sommet du Mont Blanc. On a passé l'hiver, dans ta robe jaune fluo. T'avais une de ces pêches, et les nuits étaient blanches. J'ai lu dans un recueil, que l'amour est aveugle, mon œil. Toi, tu m'en as fait voir, et de toutes les couleurs, mon cœur. Vol, crime, tradition, c'est naturel. Donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourneront, ça tourneront. Vol, crime, tradition. Ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourneront, comme dans le cochon, où tout est bon. Ça tourneront, sort les litres, on les tient à fond. Amis, buvons, du vrai du bon, et conservons nos vieux bouchons. comme la communion et les morpions, sur droit de cuissage ou l'excision, Napoléon, l'accordéon et la baston, et défendons notre blason. Votre immigration, ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Votre immigration, ça tourneront, ça tourne. Votre immigration, c'est naturel, donc c'est tout bon. Votre immigration, ça tourneront, manifestons et refusons qu'on touche à ces institutions qui tourneront. C'est la culture des Norvégiens, un pilier de la civilisation qui tourneront. Pistorbissons, tous ces mignons, empêcheurs de tirer en rond. À nous les haches, les tromblons, les fusils de chasse, les canons, aussi loin que nous remontions de Cronenbourg à Cro-Magnon. Vol, crime, tradition, ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront, oui. Vol, crime, tradition, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront, sans vol, sans crime, pas de prison. La ligue de flics, pas de matons ni d'évasion. De serrurier, non, plus d'armurier, de munitions. Nous d'emploi pour nos populations. Par notre action, nous protégeons et sauvegardons ces professions. Tous les dragons, les escadrons, les bataillons et la légion, les tortionnaires, les espions, corporations qui tourneront. Exécution, viol, agression, loi du talion, lapidation, prohibition, la concussion, le rince cochon. Purification, déportation, strangulation, épandaison, inquisition, flagellation, suffixion et délation. Votre tradition, moi c'est naturel, donc c'est tout bon. Votre tradition, donc ça tourneront. Votre tradition, c'est naturel, donc c'est tout bon. Votre tradition, ça tournera. J'ai une chanson que je fais chanter tout le monde, la salle. C'est pas du rap, c'est de la tchatch, tu sais. Et alors le gimmick, je chante ça à cappella, mais toute la salle reprend le refrain, c'est vol, crime, tradition. C'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition, ça tourneront. Et puis après, je raconte des tas de conneries. Tradition, l'excision, le droit de tuissage, tout y passe. Vol, crime, tradition. Et tout le monde chante ça de content, ça évacue. Tu vois, c'est un peu un côté, la chanson, une thérapie aussi. Mm-hmm. Tu vois, moi, il y a souvent aussi des gens qui m'ont demandé, ils me demandent toujours, comment vous faites vos chansons, un peu ce que tu me disais tout à l'heure. Je réponds toujours, moi, à chaque fois que je suis en colère, j'écris une chanson. Et comme je suis très souvent en colère, j'écris beaucoup. Mais le problème, c'est qu'en général, quand on écoute la chanson, ben non, justement, c'est un peu comme ça, entre traînées, bras, ça, on évacue cette colère. C'est-à-dire que la colère, elle est là, mais justement, on l'évacue par l'humour, qui est la politesse du désespoir, par un truc, on va pas dire « Ah bah, c'est sale con, à mort, sortez tout de suite la guillotine. » À la féerie un peu, là. Oui, il y avait de bonnes choses, mais c'est vrai un peu, et Ferrat, un peu, camarade, tout ça. Alors les mecs, t'as envie de dire, mais ça sert à rien, parce que tu vois, tu fais les chansons qu'on appelle engagées, certes, c'est là, ah bah, les vilains profiteurs et tout ça, mais de toute façon, tous ceux qui le savent, ils n'en ont rien à foutre, c'est pas très poétique, et ceux qui ne savent pas, ou ceux qui sont du mauvais, qui font partie des cyniques et des profiteurs, ils n'en ont rien à ce que de ta chanson. Donc c'est ce qu'il dit, on perd notre temps. C'est ce que Brassens avait répondu une fois d'ailleurs à Ferrat. Ferré, c'est encore autre chose. Ferré, il a quand même. Mais il aime pas. Alors, ça, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit, c'était très joli, et je le prends pour moi. C'est. Il avait dit Ferré n'aime pas les gens, alors que Brassens aimait les gens. Et pourtant, moi, j'ai vu Brassens très méchant. Tu sais, Brassens, j'en ai marre de chanter pour des cons. Moi, j'ai vu Brassens dire ça sur scène. Mais c'était toujours bien pris parce qu'il avait un côté bon enfant. Oui. Et moi, si tu veux, par exemple, moi, c'est ce que je dis. C'était une époque, enfin, Renault, les premières chansons de Renault, évidemment, ça a beaucoup plu aux jeunes, ça, mais tu vois, l'Hexagone, Renault, il dit, ils font ci, ils chassent en hiver, ils sont des cons, ils font la guerre. Mais il l'a dit même maintenant qu'il a vieilli, c'est pour ça qu'il boit pour oublier, parce que il, c'est lui aussi, c'est nous. Ouais. Et moi, quand j'écris une chanson, nous sommes pas complices. Oui, je dis pas il. Moi, j'ai fait une chanson sur, je l'ai peut-être entendu, entre deux guerres, que faire. Eh ben, je dis justement, on fait ceci, on fait cela, on. Mais je dis pas il. Et toutes les conneries que les gens font, quoi. On se bat pour un match de foot, pour n'importe quoi. Mais on. Donc, moi, je le fais peut-être pas beaucoup, mais je n'ai pas la prétention de dire. Moi, j'en fais pas partie, et vous, c'est démerdez-vous. Tu vois, c'est ça que j'appelle. Et Ferré, par exemple, est très comme ça. Ferré est très, très méprisant. Tu vois, un peu. C'est pour ça qu'il y avait un mec qui avait écrit Ferré n'aime pas les gens. Ça l'a pas. Moi, de toute façon, Ferré, ce que je préfère de lui, c'est ses musiques. Hein. C'est quand même un grand musicien. D'ailleurs, il voulait être musicien. Il était musicien. Et ça, voilà une question amusante. Une fois, un journaliste lui dit, mais alors, vous faites le conservatoire, vous vouliez être compositeur de grande musique, entre guillemets, de musique et tout ça. Hein, oui, frère de... qu'est-ce qui vous a amené à la chanson? Et bien, tu sais ce qu'il a répondu, Ferré? Trainé. Mais tout le monde! Alors, Ferré, le grand Ferré. Plusieurs sont des enfants de Trainé. Mais il a dit Ferré. Ah, mais, oh, bah non, les gens se marrent. Ils disent, quel rapport y a-t-il entre... Il y a de la joie et puis l'autre qui arrive. L'anarchie. Les anarchistes, ouais. Eh bien, il a dit, une de mes premières chansons. Et c'est vrai, si tu écoutes ça. Une des premières chansons de Ferré, c'est « J'ai dans la tête un vieux banjo de 1925 ». Oui. Monsieur, mon passé, laissez-moi passer. Ça, c'est du Trainé. C'est vrai. Bah, mais oui, putain. Ou « T'as payé » aussi, la chanson « T'as payé ». Oui, un peu. Mais tu vois, tu trouves des trucs, ouais. Mais de tout, chez tous. Chez Brel, chez Brassens, chez Trainé, chez Ferré, chez... Ils ont tous un petit béard. C'est les enfants de Trainé, quelque part. Parce que justement, ils ont osé cette liberté qui ne se... Moi, il y a des très belles chansons avant Trainé. Hein. J'adore la vieille chanson française. Moi, j'aime beaucoup les chansons que chantaient Damien, Fréhel et tout ça. Mais ce n'était pas la même écriture. C'est une écriture beaucoup plus posante. J'étais hérité encore de Victor Hugo et de tout ça. Ouais. Des gros trucs. Et d'un seul coup, Trainé, plouf. Justement, il s'appelait, mais Trainé aussi. Il est engagé, quelque part engagé, c'est ça qu'on appelle engagé, tu vois. Tu écoutes, je chante, c'est une chanson engagée, je me suis pendu cette nuit et tout ça, et il y a plein de trucs comme ça. Et mais, enfin bref, donc si tu veux, là j'ai osé, donc il y avait cette histoire un peu moins timide par rapport aux aînés qui m'écrasaient. Oui, ben, c'est une autre génération aussi. Voilà, et que ceux de mon âge, j'arrivais. Il m'impressionnait moins. Justement, peut-être parce que j'étais dans le même langage, je te dis, entre Higelin, même Tiefen, tout ça. Mais là, je me sentais en famille et je me suis dit, moi aussi, je peux peut-être le faire. Je peux le faire. Alors qu'avant, voilà, je me sentais tout petit, quoi. Tu te dis, à chaque fois que tu veux créer un mot, oui, mais merde, je pense toujours à la chanson de Brassens, la chanson de Ferré, machin. Pour faire de la redite. T'es écrasé par... Oui, voilà, tu te dis, je vais presque dire la même chose, alors c'est pas la peine. Entre deux guerres, que faire quand le deuil a fait son temps? Entre deux guerres, que faire entre nous pour passer le temps? On se raconte la dernière, les grands exploits militaires, le jour du débarquement, le soulèvement populaire et la fibre cocardière, on est tous des résistants. On fête les anniversaires de cette boucherie sanguinaire et la victoire en chantant. On regarde dans le soir les tibias de nos grands-pères qui sont morts en combattant. Entre deux guerres, que faire entre nous pour passer le temps? Entre deux guerres, que faire? L'amour, mais c'est épuisant. Aller cueillir des primes vertes, tendre la joue à son frère, ça c'est pas très excitant. Et les aides humanitaires pour soulager la misère, c'est beau mais pas très marrant. Pour se distraire, on préfère plutôt qu'un documentaire et plein de bons sentiments. Une belle histoire de gangsters ou de vampires mortifères noyés de larmes et de sang. Entre deux guerres, que faire? Entre deux pour tuer le temps. Entre deux guerres, que faire? On passe les heures en se tapant. Une petite bière légère. Entre deux bières, que faire? On se massacre au poker ou bien entre supporters, on est toujours les gagnants. On crève de rage quand on perd, on lance les canettes de bière, on en siffle une en passant. On se tue pour sa carrière, on démolit son confrère pour avoir de l'avancement. On saute sur la secrétaire, à l'endroit, à l'envers, on est toujours partant. À l'amour comme à la guerre, de même on s'attrape, on se prend. On écrase son partenaire, jusqu'à s'il soit suffocant. On enterre l'âge de guerre, on rend les armes, on espère, et comme pour bien les amants. Y'a pas que des hommes à la guerre, il y a des femmes tortionnaires qui aiment leurs chiens, leurs enfants. Entre deux guerres, que faire? On surfe sur l'air du temps. Entre deux guerres, que faire? On récupère, on attend. On entretient les cimetières, on achète un revolver que l'on astique en rêvant. Et quand y'a du gosse dans l'air, non, on va pas se laisser faire, on va leur rentrer dedans. Tant pis si ça doit faire, quelque effet secondaire, on fera proprement. Une guerre éclair salutaire, promis ce sera la dernière de tout. Que faire. C'est con, parce que je te dis, écoute, Joyeux qui dit, ah oui, tout a été dit, mais pas par moi. Et ça, c'est tout à fait son humour, c'est drôle. Écris ça encore beaucoup? Qui? Toi, est-ce que tu écris encore beaucoup? Ben, écoute, toujours. J'essaye. Maintenant, je suis franc avec toi, moins. Bon, d'abord, c'est la vie, tout ça. Mais quand même, moi, par exemple, tu vois, bon, je tourne un peu, pas assez à mon goût. Enfin, je tourne en France, en Europe, un peu. Ailleurs, non, pas beaucoup. Je te dis, j'étais en Afrique, mais il y a 20 ans, c'était fréquentable. Parce que là, maintenant, en ce moment, ouais. Avec Al-Qaïda et tout ça. Ouais, c'est risqué. Ouais. Moi, j'ai chanté au Burkina Faso, justement, mais il y a, ouais, 95, quoi, il y a 20 ans. Ah, ben, c'était formidable. On était accueillis, en plus. Mais maintenant, je sais pas, ça s'est radicalisé de tous les côtés. Là, c'est ça. On va pas dans le bon sens. Hein. En tout cas, un sens assez obscur. Oui, bah ça a toujours en fait. Alors pour répondre, oui, j'ai ralenti mon écriture, mais moi, c'est même. Bon, c'est pas une corvée parce que j'en ai envie. Mais enfin, j'écris plus comme avant, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, t'as un défoulement. Là, j'étais à la terrasse comme là à l'instant. Ah! J'écrivais deux mots sur la nappe, là, connerie, justement. Ce truc, mec, nana, mec, j'entendais une fille. C'était la grande époque de la libération des nanas, dans les années 78. Ça, il y avait une fille qui parlait à sa copine. Il disait, les rapports, mec, nana, mauvais. Mais les rapports de nana à nana, c'est beaucoup mieux. J'entends ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un bout de PQ, machin, je note. Et la chanson, elle ressort peut-être 6 mois après, mais elle est là. Il y a les 4 mots qui vont me permettre de broder là-dessus. C'est ça, là. Mais ça, je le faisais beaucoup, je le fais un peu moins. Mais par contre, moi, j'ai un truc, c'est un boulot. À bout d'un moment, c'est un boulot aussi. Hein. Tu sais, quand tu commences avec... Oh, vous faites ça comme ça. Ouais, au début, mais ouais, après, ouais, non. Ouais, ouais. D'abord, c'est normal. Quand tu as pondu 200 textes, que tu les trouves pas trop mauvais, tu dis, merde, pour faire le 201e, il faut réfléchir quand même. Hein. Parce que là, il y a quand même les choses que tu as déjà dites et que tu veux pas redire. Ben voilà, redites. Hein. Alors, donc, moi, je fais un boulot un peu. C'est ce que faisaient beaucoup de gens, hein, le forestier, Pérez, de ça. Il te dit, ben moi, je me dis, par exemple, cet été, là, en général, je pars avec ma femme, on part à la campagne, on a une maison, on s'enferme dans un coin. J'ai pas besoin de piano, moi, de rien, moi je compose dans ma tête, et même la musique, les paroles, ils me sont marrés, la musique, c'est pas des... Les mecs croient toujours le piano, machin, mais non, la musique, c'est d'abord, c'est les mots, mais c'est les mots aussi. C'est les mots et les notes avec les mots, ouais. Après, c'est voir, mais... Et alors, je me fiche un travail, parce que tous les ans, je fais ma rentrée au Forum Léo Ferré, là, je vais y passer. C'est une belle salle, hein? Oui, c'est une belle salle. Ouais. Moi, j'y passe plusieurs fois par an. Hein. Et depuis 2003, c'est ma salle. Okay. Il y a le piano, le grand piano. Oui, oui, oui, c'est beau. C'est ben vrai, oui, ouais. je suis bien. C'est impressionnant. Je suis bien. Ouais. J'ai fait des fois des concerts très nets, mais surtout des concerts de mes chansons. Je me dis, merde, je vais faire ça. Puis après, avec ce récital, pendant un an, je vais tourner un peu. Puis après, j'ai des fans. Hélas, heureusement, je veux dire, je suis pas assez. Puis si t'es pas sponsorisé, ben t'as des fans, ils sont limités. Bon, enfin, j'arrive, par exemple, je passe au Forum 2 soirs de suite. Il y a 200, plus de 200 personnes qui viennent. Il y en a 100 ou 120 chaque soir. Bon, c'est plein, hein. Mais des fois, ils ont refusé du monde, donc je suis pas à plein. Enfin, j'ai un public au début. C'est quoi un public? C'est rien, évidemment. Quand tu prends les mecs, maintenant, il y a 6000 personnes tout de suite. Ah, au secours. Moi, ça m'est arrivé de chanter devant 2000 personnes, mais pas tout seul dans des festivals. J'ai chanté 4 chansons, mais pas, ou 3 chansons, mais pas un récital de moi tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que la chanson a changé? Oui, alors pour finir la réponse, je me dis, je ne peux pas arriver tout nu devant mes fans, entre guillemets, qui viennent tous les ans, il y en a plein, ils sont fidèles, il y en a qui viennent de l'autre bout de la France, hein, ils ne viennent pas de Paris, ils savent, ils montent à Paris le 1er décembre pour écouter Marc Chavez dans son nouveau tour de chant. Enfin, si tu arrives, tu leur chantes les mêmes que un an avant, ouais. Tu commences à dire, mais le mec, il est fini, comme tu dis, voilà. Donc, je me fais toujours un point d'honneur. Je me force pas trop, mais je fais une charrette, comme on dit. Je m'installe et puis je me dis, merde, je prends les bouts de papier, les bouts de journaux. Je me dis, il faut absolument que je sorte. Mais je pense que Joyeux fait ça aussi. Tu vois. Il me dit, merde, je vais bien sortir quelque chose pour la rentrée, au moins 5-6 chansons nouvelles. Des fois aussi, je suis franc avec toi, mais ça, il y a plein d'artistes qui l'ont fait oublier. Parce que justement, le mec qui veut éditer mes 200 textes, j'en ai retrouvé que j'avais complètement oublié. Enfin, que je chantais pas, du tout, ça n'a aucun intérêt, ou que la musique me plaisait pas. Ou que... Puis finalement, j'ai repris, j'ai changé quelques mots, j'ai changé la musique, et ça, les gens disent « Ah, elle est nouvelle, ta chanson !» Non, mais elle a 30 ans. Mais c'est pas grave, parce que tu ne voulais pas la chanter, elle n'était pas encore à point. Non, bien sûr, voilà. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il faut revenir avec, pas tout nu, t'arrives, les médias, ben ils nous sortent tous. C'est tout, c'est tubes, c'est machin, mais merde, il en a pas d'autres, voilà. Ouais. Enfin, moi, pour moi, c'est pas possible. C'est, ouais. Mais tu peux pas non plus t'empêcher de faire quelques chansons que les gens entendent. Ah, mais pas quelques. Moi, par exemple, j'ai des formats courts, tu as vu, c'est des chansons qui font 2 minutes, 2 minutes et demie. Les plus longues, c'est 3 minutes, je fais pas de chansons de 5 minutes. Un peu comme Bobby Lapointe. Oui, voilà, dans cet esprit-là, mais Traîner, on en fait beaucoup à une époque. Ouais, c'est vrai. La photo est jolie, la petite fille aussi. Tout sourire, elle tient une pancarte dans ses mains. Avec en grand caractère, future maman en colère. Derrière elle, dans le fond, écrit sur des ballons, juste en blanc, sur les bleus, papa, et sur les roses, maman. C'est charmant. Mais derrière toi, petite fille, il y a des adultes brandissant des pancartes au slogan moins charmant. Un papa, une maman, juste pas autrement. Papa, maman, petite fille, innocente, ta famille bien pensante. Et tant d'autres sont venus en cortège dans la rue défendre leur pré carré. Conserver le monopole de l'enfant. Un papa, une maman, ils t'ont mise au premier rang. Et tu hisses en défilant ta pancarte, pas peu fière, future maman en colère, en chantant. Un papa, une maman, un papa, une maman. Petite fille, je te souhaite un jour de pouvoir l'être mère d'un enfant, pourquoi pas. Avec ou sans papa, pour que l'enfant soit heureux, l'enfant, tu l'aimeras pour deux, ou bien selon tes penchants, avec une deuxième maman, librement. Petite fille qui sourit, vit ta vie, loin des cris. Prends du large, je l'espère, et garde plutôt ta colère pour des combats moins amers, pour les enfants abîmés du monde entier. Petite fille, va. J'ai mangé mon chapeau, brûlé tout. Mes vaisseaux, tout s'abîme et tout part à volo. Tout va mal dans ma vie, je ne sais plus où j'ai mis la corde pour me pendre. Je la cherche partout, tout le reste je m'en fous. L'appétit, la mémoire, je perds tout. La seule chose qui m'ennuie, je ne sais plus où j'ai mis la corde pour me pendre. De la cave au grenier, en cherchant, j'ai trouvé dans une boîte plein de lettres enflammées une rose en papier, mais je n'ai pas trouvé la corde pour me pendre. En fouillant, j'ai trouvé des trésors bien cachés, des bouteilles de vin millésimées. Et sans voir le temps passer, du coup j'ai oublié la corde pour me pendre. Tout le reste je m'en fous, j'ai trouvé l'amour fou. Une tigresse m'a mis la corde au cou. Plus la peine de chercher, grâce à elle j'ai trouvé la corde pour me pendre. aujourd'hui, les longs discours n'ont plus cours. On résume avec des chiffres et des lettres. Né sous X, le 0-1-12, dans le 7-5, au CHU, du CP au CM2, RAS, QI mini, stop, à bac moins 7, 4-21, 30 et 40 et 10 de l'air, 6-35, claque, HS, DCD. Aujourd'hui, tous les poètes sur le net se confessent avec des chiffres et des lettres sur www.confession.com. Hier, rencontré JF, BC, BG, LMBD, SF en VO. Les 6-9, de 5 à 7, c'est OK. Je SM, suis KO. J'ai cassé. Aujourd'hui, pour faire l'amour, c'est plus court. On se caresse par SMS quand ça presse. Oh bébé, j'ai une idée. OTTO, agité, MM1, MFS, SAC, ODS, bébé, A plus, JV, Marc, AV. Chers amis, chers. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.